Premier livre des Chroniques, chapitre 26. Et quant au département des portiers, il y eut pour les Corites, Mézélémia fils de Corée, d'entre les enfants d'Azaph. Et les enfants de Mézélémia furent, Zacharie le premier-né, Jédiaël le second, Zébadia le troisième, Jatniel le quatrième, Elam le cinquième, Johanom le sixième, Elioénaï le septième. Et les enfants d'Obed et d'Om furent, Semaja le premier-né, Jéhozaba le second, Joa le troisième, Sakar le quatrième, Nathanaël le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième, Pulotaï le huitième, car Dieu l'avait béni. Et à Semaja son fils naquirent des enfants, qui eurent le commandement sur la maison de leur père, parce qu'ils étaient hommes forts et vaillants. Les enfants donc de Semaja furent, Otni, et Raphaël, Obed, et Elzaba, ses frères, hommes vaillants, Eliu et Semassia. Tous ceux-là étaient des enfants d'Obed-Edom, eux et leurs fils, et leurs frères, hommes vaillants, et forts pour le service, ils étaient 62 d'Obed-Edom. Et les enfants de Mézélémia avec ses frères étaient 18, vaillants hommes. Et les enfants de Zah, d'entre les enfants de Merari, furent Sinri le chef, car quoiqu'il ne fût pas l'aîné, néanmoins son père l'établit pour chef. Ilkija était le second, Tebalia le troisième, Zacharie le quatrième, tous les enfants et frères de Zah furent 13. On fit à ceux-là les départements des portiers, en sorte que les charges furent distribuées aux chefs de famille, en égalant les uns aux autres, afin qu'ils servissent dans la maison de l'Éternel. Car ils jetèrent les sorts autant, pour le plus petit que pour le plus grand, selon leur famille, pour chaque porte. Et ainsi le sort pour la porte vers l'Orient échut à Sélémia. Puis on jeta le sort pour Zacharie son fils, sage conseiller, et son sort échut pour la porte vers le septentrion. Le sort d'Obed-Edom échut pour la porte vers le midi, et la maison des assemblées échut à ses fils. À Suppim et à Osa pour la porte vers l'occident, auprès de la porte de Saloket, au chemin montant, une garde étant vis-à-vis de l'autre. Il y avait vers l'Orient, six lévites, vers le septentrion, quatre par jour, vers le midi, quatre aussi par jour, et vers la maison des assemblées deux de chaque côté. À Parbar vers l'occident, il y en avait quatre au chemin, et deux à Parbar. Ce sont là les départements des portiers pour les enfants des Corites, et pour les enfants de Merari. Ceux-ci aussi étaient lévites, Aïja commis sur les trésors de la maison de Dieu, et sur les trésors des choses consacrées. Des enfants de l'Adam, qui étaient d'entre les enfants des Gersonites, du côté de l'Adam, d'entre les chefs des pères appartenant à l'Adam Gersonite, Jéhieli. D'entre les enfants de Jéhieli, Zétham, et Joël son frère, commis sur les trésors de la maison de l'Éternel. Pour les Enramites, Jitcharites, Hébronites, et Osielites. Et Sébuel fils de Gersom, fils de Moïse, était commis sur les autres trésors. Et quant à ses frères du côté d'Éliézé, dont Réabia fut fils, qui eut pour fils Esaïe, qui eut pour fils Joram, qui eut pour fils Zikri, qui eut pour fils Sélomite. Ce Sélomite et ses frères furent commis sur les trésors des choses saintes que le roi David, les chefs des pères, les gouverneurs de milliers, et de centaines, et les capitaines de l'armée avaient consacré, qu'ils avaient, dis-je, consacré des batailles et des dépouilles, pour le bâtiment de la maison de l'Éternel. Et tout ce qu'avait consacré Samuel le voyant, et Saül fils de Qui, et Abné fils de Ner, et Joab fils de Tseruya, tout ce, enfin, qu'on consacrait, était mis entre les mains de Sélomite et de ses frères. D'entre les Jitcharites, Kenania et ses fils étaient employés aux affaires de dehors sur Israël, pour être prévôts et juges. Quant aux Hébronites, Azabia et ses frères, hommes vaillants, au nombre de 1700, présidaient sur le gouvernement d'Israël au-dessus du Jourdain, vers l'Occident, pour tout ce qui concernait l'Éternel, et pour le service du roi. Quant aux Hébronites, selon leur génération dans les familles des pères, Jérija fut le chef des Hébronites. On en fit la recherche en la 40e année du règne de David, et on trouva parmi eux à Jazé de Galaad des hommes forts et vaillants. Les frères donc de Jérija, hommes vaillants, furent 2700, issus des chefs des pères, et le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites, et sur la demi-tribu de Manassé, pour tout ce qui concernait Dieu, et pour les affaires du roi.